Madame la Présidente, et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Alors, le livre sur le comment sur la grève du juin français, c'est mon côté gauche. Hein. Oui, bien sûr. Mais on a deux côtés. Donc, alors, le titre, j'en ferai autre chose. Hein. Voilà. Donc, je vais vous parler du banquet des mille. Je vais essayer d'en parler en 20 minutes même. Je vais vous présenter, c'est un événement très peu connu, je pense que les plus jeunes ici n'ont jamais entendu parler. C'est pour faire vite un banquet des épurés. Alors, ce que tu pourrais faire, voilà, peut-être, Virginie, c'est mettre mon. Ah, pardon, oui. Voilà. Alors, attends, tu l'aimes. Voilà. On va voir la Marianne, leur Marianne à eux. Est-ce que c'est elle? Là, tu descends, c'est en bas. Attends, peut-être que je l'ai mis. C'est pas SF Chanson? Non, oui, non, SFHP. Voilà. Et il va y avoir la couleur. C'est bizarre, ça s'affiche pas comme. Bon, on ne va pas perdre de temps là-dedans, pendant que tout à l'heure, c'est pas grave de toute façon, hein, et à chaque fois qu'on met des trucs comme ça, on perd du temps. Tu laisses tomber, pendant que quand j'aurai fini de parler, on trouvera, puis quand on fera les questions, je vous montrerai, je commenterai cette magnifique gravure, voilà. C'est, moi, c'est juste comment ça s'appelle, je t'ai coupé d'une oreille et j'ai fait juste idée du titre. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça doit s'appeler Banquet des Mille, mais... Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Alors, donc, Michel Pointet avait fait une intervention au colloque que j'avais organisé sur la recomposition des droites à la Libération il y a plus de 20 ans. Très bien, donc je vais essayer de dire des choses qu'elle n'a pas dites, enfin, d'ajouter en 20 minutes, voilà, à l'écrit, je ferai plus, je vous promets. J'ai lu la thèse de Bernard Douniac. Puis sur Paul Fort, la maîtrise de Noéline, que aussi Michel Quentin n'avait pas lu sur le Parti Socialiste Démocratique. J'ai lu l'ouvrage de l'abbé Desgranges, j'en citerai quelques extraits tout à l'heure, Les crimes masqués du résistentialisme, on va voir ça. Hein. Et puis j'ai vu pas mal de presse et je remercie Retro News. J'ai vu des dizaines d'articles là-dessus. Donc, trois temps. D'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que ce banquet. Ensuite, je vais vous parler plus particulièrement de Desgranges, de l'abbé Desgranges qui a présidé le banquet. Et puis, on verra les suites du banquet où on reparlera un petit peu de nourriture pour terminer. Donc, premier temps, les épurés se mettent à table. Le 14 mars 1948, au parc des expositions de la Porte de Versailles, s'est tenu un grand banquet organisé par l'Association des représentants du peuple de la Troisième République, une association qui a été créée en 1946, au mois de mars, je crois, par Paul Fort, qui était l'ancien secrétaire général de la SFIO, l'ennemi de Blum avant la guerre, pacifiste, et qui a été un maréchaliste non collaborateur pendant toute la guerre, et qui, à la Libération, est exclu de la SFIO hein, par la nouvelle direction, Daniel Mayer, et qui fonde, en 1945, le Parti Socialiste Démocratique, qui rassemble les exclus épurés. Bon. Ce banquet est organisé pour rassembler un grand nombre d'élus qui ont été épurés à la Libération, soit à l'échelle nationale, parce qu'ils ont voté les pleins pouvoirs le 10 juillet au maréchal, soit localement par les comités départementaux de Libération, donc les maires et les conseillers généraux. Et c'est une manière de prendre date, hein, devant les Français, par une grande manifestation spectaculaire, afin d'exiger une amnistie générale. Bien sûr, ce banquet se situe dans la tradition des banquets républicains, depuis surtout la campagne des banquets de 1847-48, hein, dont sort la Deuxième République. C'est un succès, hein, a priori, puisqu'il rassemble bien un millier de convives. L'humanité n'en a compté que 500, mais bon, c'est à peine 500. Voilà. Mais les autres journaux en comptent un millier, donc... On doit bien être humilié. qui rassemble des élus de toute la France, avec parfois qui viennent en famille. Voilà. Et ce banquet se clôture par quatre grands discours qui ont été ensuite édités en brochure avec une photo en brochure que vous verrez peut-être tout à l'heure, si on la retrouve. Quatre discours, un de Lucien Lamoureux, qui est un ancien député radical de l'Allier, qui a voté oui au maréchal Pétain le 10 juillet 40, Eugène Miliès-Lacroix, donc, enfin tous ces gens, plus personne ne les connaît aujourd'hui, bien sûr, hein. Eugène Miliès-Lacroix, qui a été maire de Dax, un radical indépendant, qui était sénateur des Landes au groupe Gauche démocratique, Paul Faure, bien sûr, qui est donc l'ancien secrétaire général de la SFIO et qui est un peu l'organisateur, celui qui a eu l'idée. Lui n'a pas voté les pleins pouvoirs au maréchal, il est resté chez lui à Paris, il n'est pas venu à Vichy. Mais il n'est pas pour autant passé à la résistance. Et enfin, le clou des quatre invités, celui qui fait le dernier discours, Pierre-Étienne Flandin, qui a fait, ancien président du Conseil, qui a fait sa rentrée politique un mois avant, hein, les 7 et 8 février, s'est tenu le premier congrès de l'Alliance démocratique, son parti, qui est entre les deux guerres le grand parti des libéraux modérés, c'est le parti de Poincaré, c'est le parti d'Albert Lebrun, enfin, bon, tout ça, Deschanel, Falière, bon, plein de gens. Donc, dans ce premier congrès qui s'est tenu en février, premier congrès d'après-guerre, a été réélu président à main levée, président de l'Alliance démocratique. Donc, ce banquet des 1000, bien sûr, c'est un nombre symbolique, 1000, pour marquer les esprits, mais je crois, j'ai découvert que c'est un renvoi direct à un type de banquet, enfin, un type de nombre, on va dire, de banquets des 1000 qui ont eu lieu sous la Troisième République. Et on voit bien que ces gens s'inscrivent dans la tradition de la Troisième République. Et ça, je l'ai découvert grâce à la presse, où on voit qu'il y a eu d'autres banquets des 1000 avant. Alors, il y en a eu avant 1914, mais je n'ai pas trop recherché. Il y en a un banquet des 1000 où Jaurès est là, mais je n'en ai vu que des comptes rendus par des journaux contre Jaurès. Je n'ai pas bien compris exactement comment ça s'appelait. Bon, mais c'était un banquet avec des officiers. Mais entre les deux guerres, c'est très clair, il y a un banquet en décembre 1924, un banquet des 1000, il s'appelle banquet des 1000, offert à Edmond de Goncourt. En novembre 1925, il y a un banquet des 1000 offert aux anciens élèves de l'école centrale. Et il y a trois grands banquets, au moins dans ceux que j'ai vus, hein, trois grands banquets socialistes, et là on comprend que Paul Faure, qui a présidé ces banquets des 1000 entre les deux guerres et envie de refaire un banquet des 1000 après-guerre. Hein. Il y a en juillet 29, il y a un banquet des 1000 de la SFIO qui est organisé et la presse socialiste dit les 1000 comme les 1000 de Garibaldi. Hein. Donc un banquet des 1000 qui est organisé pour fêter l'achat de la maison de la coopération à Paris qui devient un des lieux principaux possédés par locaux de la SFIO. Il y a en décembre 32 un banquet des 1000 de l'entente des jeunesses socialistes de la Seine, et encore Paul Faure en est le président. Et en octobre 36, il y a un banquet des 1000 pour fêter le 1150e anniversaire, pas anniversaire adhérent, excusez-moi, de la 15e section de la Seine. Mais comme c'est celle de Marceau Pivert, Paul Faure ne préside pas. Et puis, il y a en décembre 1938, je disais ça à Olivier tout à l'heure, il y a un banquet organisé par Pampille, donc l'égérie de l'Action française, en faveur pour Maurras, qui est sorti de prison déjà depuis quelques mois et qui a été élu à l'Académie française quelques mois plus tard, pour créer la plus grande Action française. Voilà, il y a la plus grande France et il y a la plus grande Action française. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'a-t-on mangé à ce banquet des 1000 ? Il n'y a qu'un seul journal qui en parle, c'est France Soir, le 16 mars, qui rend compte en première page, mais dans un petit encadré. Il n'y a aucun grand compte-rendu, hein, sauf bien sûr dans le journal de Paul Faure. Il y a un grand compte-rendu, mais sinon, les journaux font des petits encarts seulement dessus. Hein. Le 16 mars, on apprend le menu, hors d'œufs variés, filet de bœuf petit pois, salade, fromage, fruits. Vin, liqueur, café. Donc, c'est vraiment pas transcendant, mais je vous rappelle que début 1948, le rationnement n'est pas terminé et que c'est pas simple. Et d'ailleurs, les organisateurs, ça c'est Michel Cointet qui l'explique, ont fait appel à leur soutien, les conseillers généraux du Sud-Ouest notamment, pour essayer de trouver de la nourriture. Voilà. Juste par comparaison, quand on voit le banquet du 22 septembre 1900 offert aux 20 000 ou 22 000, les chiffres varient, maires pour le 108e anniversaire de la Première République, là il y avait darmes de saumon, ballotines de faisan, poularde de Bresse, filets de bœuf, je ne sais quoi, des fromages, des gâteaux, des glaces, etc. Mais la France était une grande puissance riche à ce moment-là sur le plan de l'école. En 48, c'est quand même vache maigre, hein, et ceinture serrée. Mais les nourritures terrestres, en fait, comptent moins que les nourritures politiques dans ce banquet. Et d'ailleurs, comme le titre François, et je le reprendrai comme titre de ma deuxième partie, je vous cite le titre de François de l'encadré qui rencontre, « Au banquet des refoulés de la troisième, on a surtout bouffé de la quatrième. » Voilà. Donc, deuxième temps, un banquet présidé par l'abbé Jean-Marie, le chanoine Jean-Marie Desgranges. Alors, en février 1948, au moment où Flandin a fait sa rentrée politique, en étant réélu président de l'Alliance démocratique, le chanoine Jean-Marie Desgranges a publié, en même temps, hein, ça tombe deux jours après, un livre qui fit grand bruit aux éditions de l'Élan. Alors, j'ai pas pu acheter l'original, mais ça a été réédité dans les années 90 par les éditions d'Eterna, qui ne sont pas des éditions woke, hein, je vous le dis tout de suite, qui ont réédité donc les crimes masqués du résistentialisme, et vous devez écrire résistentialisme avec un T. Le résistentialisme avec un T, pourquoi ? Parce que Desgranges l'explique. Il y a d'un côté la résistance, qui est une chose formidable, mais à côté, il y a les résistants, avec un T, qui, eux, sont pour la plupart faits de sacs et de cordes, responsables d'une multitude de crimes plus odieux les uns que les autres lors de la libération et ensuite responsables de l'emprisonnement de quantités de gens parfaitement innocents. Desgranges est un adhérent dès 1946, de l'Association des représentants du peuple de la Troisième République. Il a été député sous la Troisième, je vous en reparle après. Et dans ce petit livre, enfin petit qui fait 120 pages, il écrit très bien, hein, cet homme, hein, donc ça se lit très facilement, il a synthétisé dans ce petit livre tout l'argumentaire des épurés. En fait, si vous voulez savoir ce que les épurés... pensent, tous les collabos qui veulent être réhabilités pensent de ce qui leur est arrivé, ben en fait, vous lisez l'abbé Desgranges, il y a tout dedans. Hein. Le point commun, alors je ne vais pas vous détailler ça, hein, mais le point commun de tous ces gens est davantage d'avoir refusé de rejoindre la résistance. Hein. Ils n'ont pas été des collaborateurs pour la plupart d'entre eux, mais ils ont refusé de rejoindre la France libre. L'abbé Desgranges était présent au congrès de l'Alliance démocratique en février, où il y avait eu, à la fin du congrès, un banquet, mais de 500 couverts. Donc l'abbé Desgranges est choisi par Paul Fort pour présider ce banquet des 1000 le 14 mars 48. C'est assez étonnant quand même quand on voit que les quatre orateurs sont des anticléricaux. Il y a quand même dans les quatre orateurs... il y a un ancien socialiste, deux anciens radicaux et le président de l'Alliance démocratique qui est le roi de la concentration républicaine, c'est-à-dire de l'alliance avec les radicaux. Voilà. Mais en fait, ça explique bien l'état d'esprit dans lequel sont ces gens. Ils sont dans l'union sacrée. Hein. C'est l'union sacrée qui domine chez les épurés, avec une référence permanente à l'unité nécessaire de la société, comme cette société unie a pu gagner en 1918. Et au-delà des arguments de Desgranges, qui ne sont d'ailleurs pas tous faux du point de vue juridique, hein, parce que l'épuration à la libération s'est faite dans des conditions de justice qui ne relèvent pas complètement du droit, de l'état de droit ordinaire. En fait, l'essentiel chez Desgrange, c'est qu'on voit comment, comme tous les épurés, il pense la Deuxième Guerre mondiale dans les mêmes cadres politiques que la Première. Et c'est Pétain qui fait le trait d'union entre les deux. Et il refuse donc ces gens de reconnaître qu'ils se sont trompés politiquement. Ils se sont trompés en ne rejoignant pas la résistance sous la direction de De Gaulle et du CNR. Ils se sont trompés, alors ils ont des raisons, hein, voilà. Mais politiquement ils ont tort, ils ont perdu, ils sont du côté des perdants. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont été des collabos. C'est exactement comme Larocque qui a même résisté, mais qui a toujours refusé de condamner Pétain, et il en est le symbole, cet homme. Mais il ne peut pas être au banquet, Larocque, il serait allé sinon, j'imagine, parce qu'il est mort déjà en 1946. Alors, le plus important là-dedans à comprendre, c'est que Desgrange, en fait, est en service politique commandé. Il n'a pas été candidat aux élections législatives de 1945, alors qu'il était député du Morbihan de 28 à 40. Il était apparenté au Parti démocrate populaire. Il n'était pas adhérent. Mais il est en service commandé à la demande de l'Assemblée des cardinaux et des archevêques qui dirigent l'épiscopat français. C'est sans doute le... C'est un orateur de combat de l'Église, et c'est sans doute l'orateur de combat le plus célèbre et le plus efficace dans les réunions contradictoires. Et il est devenu célèbre dès 1912, en affrontant Sébastien Faure, un des leaders anarcho-syndicalistes, et Aulard, titulaire de la chaire de Révolution française à la Sorbonne, pour le contenu des manuels scolaires en France sur la Révolution. Donc, un homme de combat... un orateur remarquable, à qui l'épiscopat a confié en 1945, au début de 1945, et donc il ne se présente pas aux élections pour être disponible, pour ça il ne se représente pas aux élections, il aurait du mal, parce que, enfin il aurait pu, parce qu'il a voté les pleins pouvoirs, mais après, à Pétain, mais après il a participé à sa manière à la résistance, donc le jury d'honneur aurait très bien pu le relever, mais il ne demande pas. Il est chargé de relayer et de coordonner dans les milieux politiques la campagne que l'épiscopat a lancée pour l'amnistie dès l'automne 1944, campagne pour l'amnistie contre ce que l'épiscopat appelle la justice politique, entendez, politique veut dire communiste, des évêques qui sont très majoritairement, comme Frédéric Lemoine l'a démontré dans sa thèse, des anciens combattants de la Grande Guerre et qui sont des admirateurs du maréchal, comme le vainqueur de Verdun. Voilà. Et donc, l'épiscopat a lancé un thème, alors on le retrouve dans les conférences de carême de 1945, de 1946, dans les prêches des messes de l'Avent, avant Noël, dès 1944. L'épiscopat privilégie, dit que la charité doit l'emporter sur la justice. Voilà, le thème principal est celui-ci. Je vous dis quand même qu'on fait assez fort, puisque Mgr Emmanuel Suard, donc cardinal archevêque de Paris, a apporté en mars 1945, on est encore en guerre, il apporte les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux à la prison de Fresnes pour les présenter aux épurés, notamment à Xavier Ballard et d'autres. Alors pourquoi il a les reliques? Parce que à Lisieux, il y a eu le combat, la guerre, donc on a déplacé les reliques de Sainte-Thérèse pour qu'elles ne soient pas détruites par les alliés, et on les a confiées à Suard, parce que Suard, avant d'être archevêque de Paris, a été évêque de Bayeux et de Lisieux. Donc il les connaît par cœur, ces reliques. Bien. L'Assemblée des cardinaux et des archevêques écrit au président Auriol une lettre le 16 octobre 1947, donc avant le banquet, une lettre qui est publiée à Noël et lue en chaire à la messe de Noël, qui demande au président de la République socialiste de tout faire pour que les condamnés puissent je cite, « rentrer un jour dans la communauté nationale », donc il demande l'amnistie, hein, et il faut aussi savoir qu'en novembre 1947 sort un film qui s'appelle « Monsieur Vincent », un film de Maurice Gloch, un film sur Saint-Vincent de Paul, avec Pierre Fresnay. Hein, qui, le rôle étant tenu par Pierre Fresnay, qui, pareil, n'est pas un maquisard, hein, il a été décoré de la Francisque, il a travaillé avec la Continentale, et il est un des dirigeants du comité d'organisation de l'industrie du spectacle pendant la guerre. Et ce film est un immense succès. Les dialogues ont été faits par Jean Anouilh. Et ce film est un immense succès puisqu'il y a plus de 7 millions d'entrées. En fait, c'est le film de Pierre Fresnay qui a été le plus vu. Hein. On se rappelle Le Corbeau, etc. Mais en fait, non, c'est Monsieur Vincent, qui n'est pas tout à fait de la même veine. Et les évêques s'investissent massivement. Ils appellent les fidèles à aller voir ce film. Et les évêques vont personnellement voir le film en salle, ce qui n'est pas si fréquent que ce. Bien sûr, l'abbé Desgranges parle dans son livre de Monsieur Vincent. Après avoir expliqué que l'immense majorité des Français, à sa place, avait tenu son rôle et permis à la France de continuer, et il explique les paysans qui ont continué de cultiver, les patrons qui ont continué de faire travailler leurs ouvriers, même Pierre Laval, qui a maquignonné avec l'occupant. Eh bien, Saint-Vincent de Paul en est l'image. Saint-Vincent de Paul, comme il n'aurait voulu ni quitter ses orphelins et ses malades, ni les laisser mourir de faim pour discourir devant un micro lointain, ça c'est pour De Gaulle, ses rapports inévitables avec le gouvernement de Vichy et même avec les autorités occupantes lui auraient aliéné son comité d'épuration. Sa chance eût été grande de ne s'en tirer qu'avec 5 ans seulement d'indignité nationale. Alors, je pense que, bien sûr, Saint-Vincent de Paul est assez étranger à la chose. Hein. Même que Jeanne d'Arc ne pouvait pas être anti-républicaine, elle ne pouvait être que monarchiste, la pauvre, au XVe siècle, c'était, et catholique, c'était difficile de faire autrement. Là, on voit comment... Et, voilà. Bon. Donc, troisième et dernier temps, maintenant que je vous ai présenté Desgranges, un banquet pour rien, point d'interrogation. Alors, la volonté des épurés de se défendre contre les résistants et contre le tripartisme, qui est l'abomination de la désolation, s'est manifestée dès 1944-45, je ne détaille pas, et d'ailleurs, il y a tout récemment a soutenu sa thèse Antoine Limard, qui l'a faite sous la direction d'Olivier, où on trouve des tas d'éléments sur ce sujet. Mais il faut quand même bien dire, pour comprendre le contexte du banquet des Mille, hein, que le contexte dans lequel les épurés ont mené leur combat a changé sensiblement entre l'automne 47 et l'automne 48. J'en ai pour 3-4 minutes. Entre l'automne 46, pardon, et l'automne 47, déjà le contexte a changé. La Constitution a été adoptée dans des conditions difficiles à cause de la rentrée politique de De Gaulle, une rentrée politique qui a été officialisée en avril 47 par la création du RPF. Un RPF qui a gagné les élections municipales et où Paul Fort a aidé, a soutenu le RPF, hein, au passage, contre le tripartisme. Quand le RPF est créé aussi, alors, mais ça, peut-être que... Enfin, il n'y a pas... Tout le monde ne l'a pas en tête, mais tout le monde connaît la polémique qu'il y a eu sur la France qui devait avoir 2 cordes à son arc lancée par le colonel Rémy en 1950. Mais en fait, dès 1947, la direction du RPF demande à Rémy de faire une brochure hagiographique pour présenter le général. Et dans cette brochure, il est dit, et a été relu par De Gaulle, qu'il fallait 2 cordes. De Gaulle ajoute, à condition qu'elles servent au bien de la nation. Hein. Mais les 2 cordes sont déjà officiellement en 1947, et De Gaulle joue là-dessus, car le parti, je vous rappelle, le parti du RPF, a une masse d'adhérents assez considérable, et de cadres surtout, qui sont des anciens du PSF de La Roque. Hein. Et puis, bien sûr, le PCF est exclu, il y a le Cominform, les procès politiques à l'Est, les grèves, voilà, les grèves à l'automne. Et depuis novembre 1947, le président du Conseil est Robert Schuman. C'est le premier président du Conseil depuis la Libération qui est un homme qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. C'est pas un faux de labo, hein. Très vite, il est poursuivi, et ben, il doit se cacher et tout. C'est pas, voilà. Bon. Donc, et il est relevé par un jury d'honneur, il a le droit de se représenter, il est réélu triomphalement en Moselle en 1945. Il n'empêche, et il prend dans son gouvernement, pour la première fois, deux anciens maréchalistes ouverts, René Coty, qui a voté les pleins pouvoirs, et qui n'a pas été un maquisard actif, hein. Bon. Mais qui n'était pas... qui a abandonné Vichy en 42-43, très clairement. Bon. Il a fait de la résistance avec des petites réunions entre Jean Chic dans les appartements parisiens. Et Jean Moreau, qui a été nommé maire d'Auxerre en 41 et qui l'est resté jusqu'en 44, qui a été épuré, puis qui a été réélu en 1947 maire, voilà, d'Auxerre. Donc, et puis il y a l'offensive donc, de l'Assemblée des cardinaux et des archevêques dans ce cas. Le banquet des mille devait être le premier étage de la fusée pour lancer une grande campagne. En fait, c'est plutôt le point d'orgue, parce que ça s'arrête tout de suite. Hein. Les résistants contre-attaquent, communistes et gaullistes associés hein, d'ailleurs, et puis les ministres MRP sont très gênés parce que l'épiscopat fait une pression très forte sur les ministres MRP pour exiger cela. Et les ministres MRP n'osent pas, même résistants de la première heure, ne vont pas contre les évêques. Alors il y a bien un comité d'honneur qui est créé pour la libération du maréchal Pétain sous la présidence de Louis Madelin, créé en avril 48, mais dès le 25 avril, Jules Moc interdit ce comité. Donc, vous savez, et je vais terminer là-dessus, l'amnistie finit par arriver, mais en 1953. La loi a été initiée par le gouvernement d'Antoine Pinay en 52. Antoine Pinay était présent et au congrès de l'Alliance démocratique et au banquet des Mille. Lui qui avait voté les pleins pouvoirs au maréchal, qui était resté maire de Saint-Chamond pendant toute la guerre, mais qui a été relevé par un jury d'honneur. Bon, il a bien fait, on lui a proposé en 43 de devenir préfet de l'Hérault, et il a sagement refusé. Pétain est mort en détention. Voilà. Donc ce banquet des Mille n'aboutit pas. Il faut dire qu'entre-temps, la place a été prise par d'autres. Parce que la politique a horreur du vide. Les épurés sont à côté, il y a un trou, bah, d'autres le comblent. Voilà. Et comme l'écrit l'Aurore le 16 mars 48, qui fait un petit compte-rendu plutôt sympathique du banquet des Mille, hein, l'Aurore est plutôt favorable à l'amnistie, mais tout de même avec des réserves, le journaliste écrit « Rien ne se construit de durable par les regrets et les critiques ». Et c'est ce qu'a fort bien compris Roger Duchet, qui était aussi présent au banquet des Mille, mais qui lui avait été, bien que resté maire de Beaune et conseiller général, avait été réélu maire, il a été relevé par le comité de départemental de libération avec l'aide des communistes qui jouaient contre les socialistes. Parce que lui, il est vraiment pétainiste à fond, hein, Duchet, pour la guerre, hein, jusqu'au bout. Il a même donné des listes de communistes, dénoncé des communistes. Mais en 1944, il a adhéré au Front National et les communistes se sont appuyés sur lui. Ils n'ont pas été payés de retour, hein, parce qu'il n'est pas devenu philo-communiste pour autant. Donc, le 22 juillet, a été créé le Centre National des Républicains Indépendants, par trois anciens pétainistes qui étaient remis en selle dès 1945, trois sénateurs, Duchet, Coty, qu'on a déjà vu, et Boivin-Champeau, qui est quand même l'homme qui présente le texte de loi le 10 juillet à voter, hein, pour les pleins pouvoirs, et qui lui aussi est revenu sénateur du Calvados, trois républicains indépendants qui créent un parti nouveau. Je vous signale quand même qu'ils décident cette création dans un restaurant, la rôtisserie de la reine Pédot, c'est un bourguignon à Paris très célèbre, Alors après, je pourrais vous parler une autre fois de Duchet, mais j'en parle pas. Duchet, voilà, qui est l'homme des hospices de Beaune. Et donc, ce parti va prendre le relais, accepter les maréchalistes, mais pas faire de l'épuration le centre de sa politique. Et je termine, en 52, Flandin veut se présenter aux élections sénatoriales dans l'Yonne, dans son fief. Il est battu. Et en fait, le CNIP tient le département. Ils ont deux députés, la mairie, le conseil général et les deux sénateurs. Et Flandin, en 54, avec ce qui lui reste d'Alliance démocratique, il décide de faire entrer son alliance dans le CNIP. Voilà. Merci.